si on profitait du Festival Off d'Avignon 2018 pour rencontrer les artistes d'outre-mer? Cette deuxième rencontre d'artistes du second épisode dédié au Thomas, le théâtre des Outre-mer en Avignon, est consacrée à José Gernidier, auteur et acteur de la pièce Circuler, mais également metteur en scène et enseignant. Il nous explique comment il a découvert le théâtre, qui est aujourd'hui pour lui un métier et surtout une véritable passion. Passion qu'il souhaite transmettre pour que la relève puisse trouver sa place à la fois en Guadeloupe, dans les Outre-mer et en Hexagone. Ben bonjour, je m'appelle José Gernidier. Je suis, je marque toujours un temps, puisque je suis plusieurs choses en même temps. Puisque je suis au théâtre, je suis metteur en scène, je suis auteur et aussi comédien. Je devais peut-être dire d'abord comédien parce que j'ai commencé par être comédien avant d'être metteur en scène ou d'être auteur. Et je viens de la Guadeloupe. Mais je suis aussi enseignant. J'enseigne le théâtre dans un lycée et aussi j'interviens à l'Université des Antilles en tant qu'intervenant théâtre. Voilà. Je me suis lancé au théâtre, je ne connaissais pas le théâtre. C'est-à-dire que j'étais gosse avec des amis. On s'est lancé au théâtre par nécessité. Nécessité parce qu'on avait, on cherchait quelque chose à faire, on devait s'occuper en tant que. On était adolescent, hein, on était avec 15, 14, 15 ans, 16 ans. Donc on voulait occuper notre temps, on était nombreux. Et comme je suis issu d'une famille très, très modeste, on n'avait pas d'instruments. Si on avait des instruments, peut-être qu'on serait musicien, c'est vrai. Et donc on s'est lancé au théâtre, on connaissait le théâtre uniquement à travers le jeu. On ne connaissait pas le théâtre, techniquement le théâtre. Et bien, ça m'a fait du bien, puisque depuis, je suis toujours resté. C'est devenu très, très vite une passion pour moi. Une passion parce que je crois que depuis que j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 15 ans, je n'ai jamais quitté le théâtre d'une façon ou d'une autre. Je suis resté là-dedans. Donc, c'est vraiment une passion. Je pense théâtre, je pense théâtre tous les jours. Je baigne dans le théâtre tous les jours. Au départ, quand on a commencé, j'ai toujours été celui qui, au niveau de... On a travaillé beaucoup en improvisation parce qu'on n'avait pas de texte. On commençait à improviser des petites scénettes. Mais c'était toujours orienté vers... Parce qu'on était dans une période en Guadeloupe. C'était la période de début des années 80. Et c'était une période assez trouble en Guadeloupe parce que c'était la période de... revendication identitaire, revendication nationaliste, etc. Donc on baignait un peu dans cette mouvance-là. Et donc on commençait à parler de voilà, l'esclavage, de tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé dans l'histoire du pays. Donc on commençait à revendiquer notre culture, etc. Donc je crois que on était dans ça. Et donc depuis là, je pense que j'étais un peu parmi les leaders du groupe qui commençait à diriger les autres pour pouvoir faire j'ai su après que c'était la mise en scène. Mais je commençais à diriger mes camarades pour monter les pièces improvisées. Et après, c'est devenu comme ça. Je crois que je suis resté là-dedans et commencé à mettre en scène les pièces. Mais je constate que ces improvisations... J'avais toujours quelque chose à structurer là-dedans. C'était des improvisations, mais à un moment donné, j'étais celui qui disait, on va conserver telle réplique. Donc finalement, c'était plus une improvisation, c'était quand même quelque chose de fixé. Et après, j'ai commencé à écrire, quoi. C'est toujours le pays, c'est toujours... la société dans laquelle je vis qui m'inspire, c'est toujours raconter la vie des gens, raconter ce que je ressens, ce que je vis au quotidien. Quand je parle de vécu, c'est on vit pour soi, mais on vit aussi à travers les autres. Donc ce que vivent mes compatriotes, ce que vivent moi, je le vis aussi, puisque nous sommes dans le même microcosme, quoi. Et donc, voilà. Donc après, il faut dire qu'il y a une période, il y a plusieurs périodes. Il y a cette période dont je vous ai parlé. On a créé une troupe qui s'appelait Kalanda. Kalanda, c'est une danse. Une danse dans notre culture, c'est une danse. Une danse que dansaient les esclaves. Et c'était déjà une danse révolutionnaire, quoi. C'est une façon de manifester quelque chose. Et ensuite, il y a eu la troupe plus Bacchanal, TTC plus Bacchanal. C'est une autre période, parce que là, c'est une pièce qu'on avait montée qui s'appelait plus Bacchanal. C'était une satire de la télévision, Canal Plus. Ça correspondait un peu à l'arrivée de Canal Plus dans le paysage audiovisuel en France et aussi en Guadeloupe. Et l'autre période maintenant, c'est une pièce que j'ai montée qui s'appelait, la première pièce que j'ai écrite vraiment, ça s'appelait Moun Koubari. Moun Koubari, j'ai créé un quartier qui s'appelait Koubari. C'est un arbre, le Koubari, c'est un arbre qu'on trouve dans ces régions-là. Et donc en créole, on dit Koubari. Donc j'ai créé la pièce Moun Koubari, c'est les gens de Koubari. Et donc, c'était toute une sorte de panoplie de gens de ce lieu dont j'ai créé, ce lieu qui est, comme je dis, un microcosme, puisque ça peut être un quartier, une cour, etc. Mais finalement, c'est le pays, quoi. Et cette pièce a eu énormément de succès en Guadeloupe. C'était une pièce qui était très drôle, mais aussi les gens se reconnaissaient, se retrouvaient dans cette pièce. Et ça a fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, partout où on est passé, à Paris. On a même eu l'occasion de faire des représentations au théâtre de Mogador à Paris. Et c'est là qu'on avait justement la première fois qu'on a rencontré Greg Germain. C'était là, quand il a vu cette pièce, il est venu me voir. On a beaucoup discuté autour de cela. Et cette pièce a vraiment énormément de succès. Ça a fait un précédent qui d'autres comédiens en Guadeloupe se sont lancés dans ce style de théâtre, etc. Et beaucoup de comédiens qui sont en Guadeloupe maintenant, qui font du comique ou autre, se sont inspirés de ces pièces-là. C'est un miroir de notre société. Les gens se retrouvent, mais c'est un miroir qui, voilà, ça parle de nous, mais ça parle de nous d'une façon esthétique, mais aussi sérieusement, quoi. C'est-à-dire, on parle de nos problèmes, de cette situation, de notre histoire, etc. Et ça fait une sorte de soit où les gens aiment beaucoup, parce qu'on leur dit certaines vérités, en même temps, constate que bon, tout n'est pas. Voilà, c'est une vérité, mais c'est dit d'une certaine façon pour ne pas choquer, ne pas blesser non plus. Je ne suis pas entré dans le théâtre par la voie professionnelle, donc j'avais un métier, enseignant. Alors, c'est assez bizarre parce que j'enseignais la gestion en lycée, et maintenant, depuis quelques années, je suis professeur de théâtre. Donc, je suis resté dans l'éducation nationale et faire vraiment ce qui me plaisait, aller vers ça, aller vers l'enseignement du théâtre. Je sais que j'ai une mission, ce sont des jeunes et je dois leur donner leur transmettre des choses. Si j'écoute mes élèves, je crois que j'ai, sans le faire exprès, je dirais, entre parenthèses, je transmets cette passion. Et puisque souvent les élèves qui passent par moi, ben souvent, ben gardent cette passion du théâtre, me disent qu'ils ont découvert le théâtre et qu'ils aiment beaucoup. Et ça me plaît beaucoup d'enseigner, de transmettre. Et c'est pourquoi au-delà de l'enseignement pour l'éducation nationale, mais j'ai toujours eu des ateliers théâtre. Je suis resté 15 années à avoir un atelier à la scène nationale de Guadeloupe, à l'archipel. Et j'ai encore 3 ateliers. J'ai toujours eu des ateliers théâtre, hein. J'ai toujours animé des ateliers théâtre partout. La place du théâtre en Guadeloupe, ben là, c'est une grande question. Il y a, il y a beaucoup de bonne volonté chez ceux qui œuvrent dans le théâtre au niveau des acteurs, des metteurs en scène, etc. Mais en même temps, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que je pense que c'est un pays qui, on aime beaucoup le théâtre. On aime beaucoup le théâtre, les gens aiment l'État, les gens vont au théâtre. Mais il manque peut-être une... Il n'y a pas suffisamment, comme tout dans la culture, hein, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour que le théâtre puisse se développer réellement. Mais depuis quelque temps, il y a quelques manifestations qui se font. Par exemple, on a mis en place une formation, la région par exemple a mis en place une formation pour les comédiens. Nous avons parmi plusieurs comédiens, on a pu obtenir un diplôme d'État en théâtre. Qu'on est venu passer à Paris. Donc ça a donné lieu à des formations. Et depuis, avec un organisme comme Chantier Nomade, il y a des formations permanentes qui sont mises en place. Malheureusement, pour le moment, on ne les retrouve pas sur scène. Et c'est ce que je souhaite qu'on puisse retrouver ces jeunes-là au théâtre. Donc, ça veut dire qu'on leur donne les moyens pour qu'ils puissent croire en ce métier, puisque c'est un métier. Si on entre dans de la danse, on ne doit pas pouvoir... moi, je dis que ce n'est pas parce qu'on travaille dans la culture, parce qu'on fait du théâtre, qu'on doit galérer. Ils doivent vivre décemment comme dans n'importe quel métier. Et je crois qu'ils n'ont pas ils sentent pas ça pour le moment. Donc, pour le moment, on ne retrouve pas tellement de jeunes... De jeunes, c'est ce que je regrette beaucoup, de jeunes dans le théâtre en Guadeloupe. Et donc, il y a une génération qui est là depuis quelques années. Je pense qu'il est nécessaire que la relève se fasse, quoi.